pour l'amour d'un homme, mon sang, ma vie, pour l'amour d'un homme, tous les jours je prie pour que mon fils, cet homme, ne soit pas surpris de l'amour à la tonne. Pour toi, c'est oui, pour l'amour d'un homme, mon fils, ma vie, je bâtis, je bétonne pour l'amour d'une vie. Mon fils, c'est l'homme à qui j'ai dit oui, pour l'amour d'un homme, mon sang, ma vie. En vrai, j'en reviens toujours pas de la puissance que j'ai depuis que t'es là. Ça l'a fait dès l'instant où t'as gueulé. T'étais tout bleu et moi bien emmerdé. Heureux, peureux, ennuyé, mais surtout motivé comme jamais. Et puis plus jamais à genoux. À partir de cet instant, je me suis transformé en mutant avec une force que je ne connaissais pas. Et tu m'as pas encore dit je t'aime, papa. Tu sais comment j'étais fier. Je voulais te faire voir à la terre entière le bébé que je tenais dans mes bras, celui que j'allais aimer plus que moi. En fait, j'ai l'impression que quand t'es arrivé, c'était un peu comme si je renaissais. Aujourd'hui, 13 ans déjà, une décennie dédiée à la joie. Et dire que c'est pas fini, vu que j'ai signé à vie. Depuis, je me lève tous les jours avec une perche chargée à l'amour. J'aime trop quand tu te cales dans mes bras, même si des fois c'est pour me taper la yaska. Ça me fait trop marrer quand je te sens essayer de m'escroquer. Pour l'amour d'un homme, mon sang, ma vie. Pour l'amour d'un homme, tous les jours je prie pour que mon fils, cet homme, ne soit pas surpris de l'amour à la tonne. Pour toi, c'est oui. Pour l'amour d'un homme, mon fils, ma vie, je bâtis, je bétonne pour que glisse ta vie. Mon fils, c'est l'homme à qui j'ai dit oui. Pour l'amour d'un homme, mon sang, ma vie. Maintenant, quand je pense à tout ça, je me dis que t'es quand même vachement lesbar. T'as réussi sans rien faire à me sortir des bras de l'enfer. Et ça a pas traîné, il a suffi que je vois le bout de ton nez. T'as réussi à toi tout seul à ken ceux qui m'ont baisé la gueule. 3 kilos à peine avec une force qui brise les chaînes. T'es mon idole, mon garde du corps, mon bâtisseur de château fort. Mais vas-y, j'arrête là. Déjà que tu fais ce que tu veux de moi. Et ça me fait trop kiffer de te savoir heureux. Et en plus, vu que t'as pigé, qu'on fait pas toujours ce qu'on veut. Qu'une promesse est respectée, pas la peine de jouer les chasseux. Et vu qu'il paraît qu'on est pas trop nas pour des vieux, il nous suffit de te savoir joyeux pour que les journées s'écoulent sous un ciel bleu. Pour l'amour d'un homme, mon sang, ma vie. Pour l'amour d'un homme, tous les jours je prie pour que mon fils, cet homme, ne soit pas surpris de l'amour à la tonne. Pour toi, c'est oui. Pour l'amour d'un homme, mon fils, ma vie, je bâtis, je bétonne pour l'amour d'une vie. Mon fils, c'est l'homme à qui j'ai dit oui. Pour l'amour d'un homme, mon sang, ma vie. En vrai, j'en reviens toujours pas de cet amour que l'on connaît pas. Tant que l'on n'est pas parent, on ne se doute pas vraiment de ce que ça peut changer. Comment la vie se trouve chamboulée, ça transforme le plus dur des hommes. Tu peux devenir un tueur énorme, simplement car un enfant est de loin l'être le plus important. Donc c'est naturellement. Pour l'amour d'un homme, mon sang, ma vie. Pour l'amour d'un homme, tous les jours je prie pour que toi, cet homme, ne sois pas surpris de l'amour à la tonne. Pour toi, c'est oui. Pour l'amour d'un homme, mon fils, ma vie, je bâtis, je bétonne pour l'amour d'une vie. Mon fils, c'est l'homme à qui j'ai dit oui. Pour l'amour d'un homme, mon fils, ma vie.